De notre bonheur, toi le fatal emblème. Salut de la démence, illibation blême. Ne crois pas qu'au magique espoir du corridor j'offre ma coupe vide où souffre un monstre d'or. Ton apparition ne va pas me suffire, car je t'ai mis moi-même en un lieu de porphyre. Le rite est pour les mains d'éteindre le flambeau contre le fer épais des portes du tombeau. Et l'on ignore mal, élu pour notre fête très simple, de chanter l'absence du poète, que ce beau monument l'enferme tout entier. Si ce n'est que la gloire ardente du métier jusqu'à l'heure commune et vile de la cendre, par le carreau qu'allume un soir fier d'y descendre, retourne vers les feux du pur soleil mortel. Magnifique, total et solitaire, tel tremble de s'exhaler le faux orgueil des hommes, cette foule hagarde et l'annonce. Nous sommes la triste opacité de nos spectres futurs. Mais le blason des deuils épars sur de vains murs, j'ai méprisé l'horreur lucide d'une larme. Quand sourd, même à mon vers sacré qui ne l'alarme, quelqu'un de ces passants, fier, aveugle et muet, hôte de son linceul vague, se transmuait en le vierge héros de l'attente posthume. Vaste gouffre, apporté dans l'amas de la brume par l'irascible vent des mots qu'il n'a pas dit, le néant à cet homme aboli de jadis. Souvenir d'horizon. Qu'est-ce au toi que la terre hurle ce songe et voit dont la clarté s'altère, l'espace a pour jouet le cri? Je ne sais pas. Le maître, par un œil profond, a sur ses pas apaisé de l'Éden l'inquiète merveille, dont le frisson final dans sa voix seule éveille pour la rose et le lys le mystère d'un nom. Est-il de ce destin rien qui demeure? Non. Oh, vous tous, oubliez une croyance sombre. Le splendide génie éternel n'a pas d'ombre. Moi, de votre désir soucieux, je veux voir à qui s'évanouit hier dans le devoir idéal que nous font les jardins de cet astre, survivre pour l'honneur du tranquille désastre, une agitation solennelle par l'air de paroles, pourpre ivre et grand calice clair, que pluie et diamant, le regard diaphane resté là sur ces fleurs dont nul ne se fane. Isole parmi l'heure et le rayon du jour. C'est de nos vrais bosquets déjà tout le séjour. Où le poète pur a pour geste humble et large de l'interdire au rêve, ennemi de sa charge, afin que le matin de son repos altier, quand la mort ancienne est comme pour Gautier, de n'ouvrir pas les yeux sacrés et de se taire. Surgissent de l'allée ornement tributaire le sépulcre solide où gît tout ce qui nuit et l'avare silence et la massive